couple aux initiales communes. Moi c'est que t'es comme un bon colis. Ah ouais, tout ça. La patronne est Nicole Malonga. Docteur Chafa. Jeune patron Chantal Bo, la maman paradis. Dadi ma fungu fungule Junior Aziz de Django. Berado Prince des Amours, papa na Priscilla Janice Kram, Eric Efouri. Que bocó lo tata.